s'arrête sur nous. Tu me regardes et qui sait si tu me vois, mais moi je ne vois que toi. Je n'ai plus qu'une question, tes yeux, mes yeux, je chante ton nom. Quelqu'un d'autre venait, je l'éloignerai, je me défendrai. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de toi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder par-dessus tout. Hier, aujourd'hui, demain, font un seul jour quand tu prends ma main. C'est comme un plan fabuleux, tracé là-haut pour l'amour de nous deux.